Chapitre 2e. Un mois après cet entretien, la marquise de Pontchartrain et la comtesse de Nangis se tenaient debout encore près d'une fenêtre. Mais cette fois, elles ne contemplaient pas un lever de soleil. Il était 9 heures du soir. Le petit pavillon de la Touraine, les grands pins de la forêt, les verts coteaux, l'étang avec ses eaux immobiles, avaient disparu. Ève et Amarante étaient de retour à Paris. « Y a quand ton mariage avec le chevalier ?» disait la marquise à la comtesse. « Dans 2 mois, » répondit Amarante. Une porte s'ouvrit. « Madame la maréchale d'Alvincourt, » dit un balai. « Et bonsoir, chère belle, » dit une petite femme grosse, alerte, à la figure épanouie en embrassant les deux jeunes veuves. Après les compliments d'usage, on s'assit et l'on causa. Quelques instants après, le chevalier de Lauragais venait prendre la comtesse dans sa voiture et Ève demeurait seule avec la maréchale. « Eh bien, et vous, ma toute chère, quand se mariera-t-on » demanda Madame d'Alvincourt à la marquise de Pontchartrain aussitôt après le départ d'Amarante. « Moi, » répondit Ève, « mais pour me marier, il faudrait que j'eusse au moins un prétendant. Et... » « N'est-ce que cela ?» interrompit la maréchale. « J'ai votre affaire. »« Ah ?» fit la marquise. « Un jeune homme charmant. »« Ah ?» fit encore la marquise. « Riche, beau, spirituel. »« Ah ?» fit de nouveau la marquise. « Vous êtes nés l'un pour l'autre. »« Ah ?» « Il ne peut épouser que vous, » continua la maréchale, « et vous ne pouvez avoir d'autre mari que lui. Et vous l'appelez Adam, ma toute belle. Vous vous nommez Ève, vous comprenez bien qu'Adam et Ève ne doivent faire qu'un. De plus, cet Adam est duc. Vous le rendrez père, et rien ne manquera à votre bonheur. » Un fol éclat de rire fut la seule réponse de la marquise de Nangis. Le duc Adam de Mornay est doué de toutes les séductions qui captivent une femme. Mais est-il de diamant sans défaut ? Adam était inconstant. Voir, admirer et aimer Madame de Pontchartrain fut pour lui l'affaire d'un instant. Lui plaire et lui inspirer de l'amour, l'affaire d'une soirée. C'était mener le sentiment tambour battant. Cependant, le jeune duc ignorait son triomphe. Une semaine se passa sans qu'une parole, sans qu'un regard de la marquise trahît la défaite de son cœur. Son amant était au désespoir. La maréchale eut pitié de lui et, sous prétexte de le distraire de son amour, elle l'emmena à un château qu'elle possédait dans les environs de Paris. Adam trouva Ève installée dans ce château. Ève, à la vue d'Adam, rougit. Ce fut tout pour ce jour-là. Le lendemain, Adam se leva de grand matin et descendit au parc, la pensée toute remplie d'Ève. Peu d'instants après, Ève descendit également au parc afin de rêver à Adam. Au détour d'une allée, Adam et Ève se rencontrèrent. Adam offrit galamment son bras, Ève l'accepta, et ils continuèrent leur promenade. À l'une des extrémités du parc était un immense verger. Là s'offraient aux regards, dans toute leur variété et dans toute leur magnificence, les richesses dont le mois d'août se plaît à doter la nature. « L'endroit délicieux, » dit tout à coup Ève. « Qu'il dépend de vous de changer en un paradis terrestre, » repartit vivement Adam en tombant aux genoux d'Ève. « Moi, le serpent et la pomme, » répondit-elle en abandonnant sa main. « C'est ce qui vous trompe, » dit la maréchale en sortant la tête d'un massif de jeunes pommiers et en offrant gaiement de loin à Ève une pomme dont la fraîcheur et le coloris semblaient appeler les lèvres. Un premier amour a des charmes infinis. La marquise s'abandonna sans réserve au vif sentiment qui l'entraînait vers M. de Mornay. La passion du duc augmentait de jour en jour. Plus tendre à mesure qu'approchait l'instant où Ève devait être sa femme, il l'entourait de ses 1000 soins exquis dont chaque amoureuse se croit l'inventeur et qui sont la monnaie courante de l'amour. Mais, hélas, est-il quelque chose de durable en ce monde? Un regard d'Amarante détruisit le bonheur d'Ève. Amarante, ayant rencontré le duc chez la marquise, trouva piquant d'enlever à son amie sa brillante conquête. Ce qui fut résolu fut fait. Fasciné par les séductions de la perfide comtesse, M. de Mornay donna dans le piège tendu à son inconstance. Trop candide pour se défier d'Amarante, Ève n'eut le pressentiment de son malheur que lorsqu'il fut irréparable. Adam, moins assidu depuis quelque temps près d'elle, cessa tout à coup de la voir. Cette trahison tomba comme un coup de foudre sur le cœur de la pauvre marquise. Une sombre mélancolie s'empara d'elle, les roses de ses joues pâlirent, le désespoir l'eût infailliblement tuée si le maréchal d'Alvincourt ne lui fût venu en aide. « Et quoi, ma chère ? » lui dit-elle un jour, « encore ses beaux yeux baignés de larmes, tant de regrets donnés à un ingrat. Je l'aimerai toujours, » murmura Ève entre deux soupirs. « Vrai, reprit la maréchale avec étonnement. La marquise se cacha le visage dans les mains et ses pleurs répandirent pour elle. « Allons, allons, calmez-vous, mon enfant, » dit Madame d'Alvincourt, touchée de tant de douleur. « J'en mourrai, » sanglota la pauvre délaissée. « J'en mourrai. Attendez, oui, non. Ah, j'y suis, » reprit la maréchale. « Quoi donc ?» demanda Ève. « Non, vous ne mourrez pas, chère petite, et vous l'épouserez. Qui ?»« Qui ? Adam ? Lui-même. Bon, « apprenez-moi vite, » dit Ève en souriant à travers ses larmes. « À une condition ?» Vous me promettez de suivre aveuglément mes instructions. Je vous le jure. Eh bien, voici mon projet.